ça, elle rit le jour, elle pleure la nuit, se fait de soucis, et quand viendra l'amour, des amis autour, famille gentille, rencontre à Paris, et répète pour toujours, devant la vie, devant l'envie, son cœur est gris, et on lui joue des doux. Dans un grand appartement et vivre l'aventure. Oh, oh, oh. De papa et maman, les loisirs, confiture. Oh, oh, oh. Son figure du passé est payée et facture. Oh, oh, oh. Que d'autres lui ont fait payer, mais tout à coup les choses basculent. Dans son visage, son ras-le-bol de jouer les pendules. Et pour ça, elle rit le jour, elle pleure la nuit, se fait des soucis. Et quand viendra l'amour, des amis autour, famille gentille, rencontre à Paris, et aimer pour toujours, devant la vie, devant l'envie, son cœur est gris, et on lui joue des l'aventure qui était tant attendue, plus jamais de rupture. Wow, wow, wow. D'un amour disparu, toute pensée, ses blessures. Wow, wow, wow. Ce dernier apparaît, l'a fait rêver, l'a fait danser. Wow, wow, wow. Et pour toute l'éternité, mais tout d'un coup les choses basculent. L'amour fou a brisé les pendules. Et pour ça, qu'elle rit le jour, elle rit la nuit. Dans le paradis, les rayonnements l'entourent. Ces mauvais jours, ces saints-samedis sont maintenant finis. Un être pour toujours, maintenant la vie. Elle rit le jour, elle rit la nuit, est au paradis, les rayonnements l'entourent. Ces mauvais jours, ces saints-samedis sont maintenant finis, un être pour toujours, maintenant la vie, maintenant la vie.